بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue quant à la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on avait parlé la semaine dernière, ou plutôt le dernier cours, on s'était arrêté avec la quatrième année de l'Hégire, et on avait parlé de la rébellion des tribus arabes et des tribus juives contre le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que contre les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, après qu'il y ait eu la défaite de Uhud connue et qu'on a déjà détaillée. Al-Muhim, au jour d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va parler de la cinquième année, où on va voyager vers la cinquième année de l'Hégire, et plus précisément pendant le mois de Sha'ban. Et au jour d'aujourd'hui, nous ici, on est au mois de Sha'ban, et on s'approche du mois béni, le mois du Ramadan. Et si on a le temps, bi'idnillah et tabaraka wa ta'ala, après le cours, inshallah ta'ala, ce soir, sinon peut-être demain, sinon peut-être jamais, lakin je vais tenter ce soir du moins, si on a fini à temps, je vais tenter, inshallah ta'ala, de donner certaines recommandations quant au mois où pour accueillir et jeûner le mois du Ramadan de la meilleure des façons. Des recommandations certes brèves, mais inshallah ta'ala, qui seront bénéfiques à tous et à toutes. À la kulli hal, pendant la cinquième année de l'année de l'Hégire, pendant le mois de Sha'ban, donc les Arabes, ils ont toujours continué à montrer leur hostilité contre le prophète alayhi salatu wassalam et as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Et particulièrement, retenez ici le nom de cette tribu-là et le nom du chef de cette tribu-là, particulièrement la tribu des Bani al-Mustaliq. Bani al-Mustaliq, et on va parler au jour d'aujourd'hui, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, ou cette soirée-là, inshallah ta'ala, on va parler de la bataille de Bani al-Mustaliq. C'est une tribu arabe, et leur chef était Al-Harith ibn Abi al-Dirar. Al-Harith ibn Abi al-Dirar, le chef de cette tribu-là. Donc il avait mobilisé cette tribu-là, ou sa tribu, c'était des Arabes, tout simplement pour aller attaquer le prophète alayhi salatu wassalam directement à Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam a appris cette future attaque et il a envoyé un des compagnons, radiyallahu anhu wa arda, pour enquêter à ce sujet-là. Ce compagnon est parti enquêter. Il est parti rechercher et chercher des informations quant à l'authenticité de cette future attaque. Et il s'est avéré vrai, il voulait bien attaquer le prophète alayhi salatu wassalam directement à Médine. Donc ils avaient réuni plusieurs tribus arabes, ils avaient réuni plusieurs personnes pour les accompagner, pour pouvoir exterminer le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que le sahaba, et tout simplement pour pouvoir exterminer la religion qui est l'islam. L'information fut confirmée au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète lui-même, il a mobilisé donc des compagnons et il s'est mis en route à Afwan directement vers les Bani al-Mustaliq pour pouvoir les attaquer directement. Donc il s'est mis en route pour pouvoir les attaquer et il est arrivé à un endroit qu'on appelle, ou un endroit qui était le puits ou au puits de Al-Muraysi'. À cet endroit-là, au puits de Al-Muraysi', le prophète alayhi salatu wassalam avait pris les Bani al-Mustaliq de vitesse. Il les a pris en surprise. Donc arrivé à cet endroit-là, il ne s'attendait pas à rencontrer le prophète ainsi que as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Donc il les a pris, yani de surprise, et là le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les compagnons les ont attaqués et ils ont gagné cette bataille, la bataille connue sur le nom ou sous le nom de la bataille de Bani al-Mustaliq. Donc les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum sont repartis avec un butin. Et le butin principal de cette guerre, c'était quoi? C'était des gens. Donc ces ennemis-là qui ont attaqué le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a, quand ils sont revenus à Médine, il a donné sous la responsabilité de plusieurs compagnons des prisonniers. Donc les compagnons avaient chacun avec eux 1, 2, 3, 4 prisonniers et prisonnières avec eux. D'accord? Mais quand ils sont revenus de cet endroit qui était le puits de Al-Muraysi' avec bien sûr ces personnes, ces prisonniers là, pendant la route ils s'arrêtèrent en chemin et ils se dispersèrent pour s'abriter sous des arbres, pour se reposer. Ça c'était pendant la route avant qu'ils arrivent à Médine. Donc ils se sont arrêtés et allaient pour se reposer. Et là survient une histoire connue et c'est un récit prophétique authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Et cette situation, cette histoire a eu lieu après la bataille de Bani al-Mustaliq à retenir. Rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, et je pense que la plupart connaissent ce récit-là, le prophète alayhi salatu wassalam s'arrêta et comme les compagnons, donc il se metta ou il s'est mis à foin sous un arbre, il y en a pour se reposer, il s'est abrité sous un arbre, il a accroché son épée alayhi afdalu salati wa askas salam. Et au moment où tout le monde dormait, il y a un bédouin, associateur mushrik. Un bédouin est venu et pendant que le prophète alayhi salatu wassalam dormait, il a saisi l'épée du prophète alayhi salatu wassalam et l'a pointée vers le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, maintenant tu as peur. Ce bédouin là, regardez le prophète, il lui a dit, maintenant tu as peur. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, je n'ai pas peur. Et il lui a dit, ce bédouin là, et qui te protégera de moi? Qui pourra t'apporter protection? Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit à trois fois ou à trois reprises, Allah, Allah, Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, avec toute confiance et avec pleine certitude dans son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il lui a répété trois fois, Allah, Allah, Allah. Voilà que l'épée est tombée des mains de ce bédouin. Le prophète alayhi salatu wassalam a ressaisi l'épée et il a pointé vers ce bédouin et il lui dit, alayhi salatu wassalam, qui te protégera de moi? Et là le bédouin, qu'est-ce qu'il a répondu au prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'il a répondu au prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit, ya Muhammad, sois un homme de bien. Sois quelqu'un de bien. Réagis avec le bien. Regardez. Car tout le monde reconnaissait, musulmans et non musulmans, associateurs, mushrik, kafir, mécréants, que le prophète alayhi salatu wassalam était une personne juste et était une personne de bien. Il lui dit, sois bien. Alors que, il y a quelques secondes avant, il pointe l'épée contre le prophète alayhi salatu wassalam et il le menace. Qui te protégera de moi? Qui te protégera de moi? Est-ce que tu as peur? Il provoque le prophète ressaisit l'épée et lui dit, et toi qui te protégeras de moi? Et voilà que le bédouin dit au prophète alayhi salatu wassalam, oh Mohammed, sois un homme de bien. Sois un homme de bien. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce même récit prophétique authentique rapporté par Al-Bukhari, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit alayhi salatu wassalam, dis, قول, أشهد أن لا إله إلا الله. Dis, il n'y a de divinité qu'Allah. Et que moi, je suis le messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Et regardez ce qu'a répondu le bédouin. À votre avis, qu'est-ce qu'il a répondu? À votre avis, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a fait l'attestation de foi. N'importe qui pourrait réagir comme ça en disant, bien sûr qu'il va faire l'attestation de foi. Il va dire, Ashhadu. Ici, il est pris de peur. Il est ici dans une position de faiblesse. Et qu'est-ce qu'il a dit le bédouin? Il a dit non. Il a dit non, il a refusé. Et on voit la sincérité des Arabes et la sincérité des bédouins à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, malgré qu'il n'avait pas l'islam. Malgré qu'il n'avait pas l'islam. Si un arabe, de façon générale, disait « Ashhadu an la ilaha illallah », c'est qu'il était sincère. Bien sûr qu'il y avait des hypocrites. Il y avait des hypocrites. Mais à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comme on a vu tout au long et au cours de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on voit que les arabes étaient des personnes qui avaient une parole. Et ils étaient prêts à sacrifier leur vie et la vie de leur famille pour une parole. Quand ils donnaient leur parole ou ils s'engageaient, ils faisaient quoi? Ils tenaient leur engagement. Ils avaient une parole. Au jour d'aujourd'hui, alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a mentionné les critères de l'hypocrite, et parmi les critères de l'hypocrite, c'est quoi? Quand il s'engage, il quoi? Il trahit son engagement. Quand il promet, il manque à sa promesse. Parmi les critères de l'hypocrite, nous on a l'islam, et tu verras chez beaucoup de musulmans, quand il donne un rendez-vous, il ne vient pas à l'heure. Quand il promet, il manque à sa promesse. Quand il s'engage, il manque à son engagement, et comme si cela ne le concernait pas. C'est-à-dire le hadith du prophète alayhi afdalu salati wa askas salam qui parle des critères de l'hypocrite. C'est quelque chose de grave. Ça c'est quelque chose de grave. Le fait de ne pas avoir de parole et de trahir ses engagements et de manquer à sa promesse, c'est quelque chose de grave. Et quelqu'un qui est investi dans la religion se doit au maximum de s'éloigner de cet égarement ou de ce péché-là. Ou de ce péché-là. Le fait de jouer avec l'engagement, avec la parole, wal'iyadu billah. Regardez les Arabes, à l'époque de Al-Jahiliya, du paganisme, ils avaient une parole. On revient au bédouin. Le bédouin, il lui a dit non. Sincèrement, il lui a dit non. Par contre, je te donne la promesse et je te promets, oh Mohammed, regardez, il dit non. Ça montre leur sincérité, je ne vais pas te mentir. Je dis non, mais je te promets la promesse. Ils avaient une parole. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a cru sur parole. Il lui a dit, par contre, je te promets de ne jamais te combattre, ni toi, ni tes compagnons. Ni toi, ni tes compagnons. Promesse de ce bédouin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le laissa partir. Regardez l'équité. L'équité, la droiture, la clémence, la miséricorde du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui est traité au jour d'aujourd'hui par des ignorants et des égarés. De quoi? Terroriste, wal'iyadu billah. Alayhi salatu wassalam, il aurait pu le tuer. Il s'est fait menacer. Il n'a même pas voulu embrasser l'islam. La ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Il lui a dit juste laisse-moi partir, sois un homme de bien, je ne veux pas embrasser l'islam, mais par contre je promets de ne pas vous combattre, ni toi, ni les compagnons. Le prophète l'a laissé partir, rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et ça, c'était au retour de la bataille de Bani al-Mustaliq, qui a été gagnée par qui? Le prophète et As-Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. C'est des événements qu'il faut retenir. Et quand le compagnon, ou plutôt Afwan, quand ce bédouin est parti et a été yani, relâché par le prophète alayhi salatu wassalam, il retourna vers les siens et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu, ou avec une traduction approximative, j'étais en compagnie, en compagnie de qui? Du meilleur des hommes. J'étais en compagnie du meilleur des hommes, ou des meilleurs, ou du meilleur des hommes. J'étais avec une personne qui fait partie des meilleurs. Il parle de qui? De Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il a embrassé la religion, cette personne-là, Afwan, ou ce bédouin-là? Il n'a pas embrassé l'islam. Mais il a reconnu la notoriété, l'équité, la droiture, la clémence, la miséricorde de qui? Du prophète alayhi afdalu salatu wassalam. Arrivé à Médine, donc ils avaient les prisonniers, et ces prisonniers-là furent partagés, comme on avait dit précédemment. Donc aux compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et parmi ces compagnons, il y avait une femme. Et ça c'est connu, hein, c'était la prisonnière qui s'appelait Juwayriya. Juwayriya, c'était la fille de qui? Du chef de la tribu. C'était la fille du chef de la tribu, Al-Harith. Et cette fille-là, ou cette femme-là, fut capturée et fut partie, d'accord? Elle fit partie des prisonniers. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec cette fille-là, ou avec cette femme-là, Juwayriya, alors que c'était la fille du chef de la tribu de Bani al-Mustaliq. Le prophète, alayhi afdalu salatu wassalam, l'a épousée. Et regardez, le prophète, alayhi salatu wassalam, comment il voyait loin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit, bon, c'est une femme ici qui est la fille du chef de la tribu qui nous a attaqué. Mais bien au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu loin. Il a proposé à cette femme-là de se marier avec lui et celle-ci a accepté. Et bien sûr, on sait que une fille ou une femme qui fait partie des filles de quelqu'un qui est ou d'un chef de tribu, bien que ce chef de tribu soit un égaré ou un associateur ou un mécréant, a une certaine notoriété ou a acquis une certaine notoriété. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a épousé, pourquoi aussi? Pour avoir de l'influence. Pour avoir de l'influence envers qui? Envers ceux qui suivaient qui? Envers ceux qui suivaient son père, le chef de la tribu de Bani al-Mustaliq. D'accord? Pour dire, regardez, sa propre fille, elle est ma femme maintenant. Donc ça change la donne. Ça change tout. Maintenant les prisonniers deviennent qui pour le prophète alayhi salatu wassalam? Deviennent des proches. En quelque sorte, ils deviennent des proches. Donc en quelque sorte, ils deviennent des amis. Et ceci est une porte pour eux, pour embrasser plus facilement l'islam, pour tisser des liens plus facilement avec eux et renforcer l'islam et la communauté. C'est ça le but. C'est pas de diviser ou de se faire que des ennemis, bien qu'ils soient associateurs. Mais c'est au contraire, c'est quoi le but principal du prophète alayhi salatu wassalam? C'est de gagner les cœurs, d'attirer les gens vers la religion de l'islam. Donc les prisonniers, ils devinrent qui? Où ce fut des prisonniers certes, mais des amis maintenant. Car ils étaient des proches du prophète alayhi salatu wassalam après ce mariage. Et donc la plupart des prisonniers, si ce n'est tous les prisonniers, yani, furent relâchés. Rapporté par l'imam Abu Daoud dans son Sunan et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Aïcha radiyallahu anhu ardaha a raconté ce récit. Elle dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a partagé les prisonniers, Juwayriya radiyallahu anhu wa ardaha tomba dans le lot de Thabit ibn Qais radiyallahu anhu wa ardaha. Alors Juwayriya alla voir le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'elle était prisonnière et elle fut confiée à ce compagnon qui était Thabit ibn Qais, et elle s'est plaint de lui au prophète alayhi salatu wassalam, où elle a sollicité le prophète alayhi salatu wassalam, ou son aide, afouan du prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'il puisse l'aider à payer pour qu'elle soit libérée. C'est-à-dire payer la rançon pour qu'elle soit libérée. D'accord? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, je te propose quelque chose de meilleur que ça. C'est-à-dire de t'aider à payer cette rançon-là pour que tu sois libéré. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il lui a dit, je te propose de te marier avec moi. Je te propose de te marier avec moi. Et Juwayriya, bien sûr, radiyallahu anha wa ardaha, a accepté de se marier avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc à ce moment-là, Aïcha a dit, toujours dans ce même récit prophétique, il n'y a pas une femme qui fut plus bénéfique pour son peuple ou sa communauté plus que Juwayriya. Par la cause de son mariage, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tous les prisonniers furent libérés. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette bataille-là? Ou plutôt, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette bataille-là? Ils ont combattu le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète et les compagnons les ont combattus. Ils ont gagné cette bataille-là. Ils sont repartis avec des prisonniers. Mais pendant, avant et après la bataille, il y avait al-munafiqin, les hypocrites, qui ne sont pas restés sans rien faire. Et à leur tête, on avait dit, depuis le début de l'année 3 ou 4 de l'Égypte, on a commencé à parler de la tête des hypocrites qui était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc ce personnage-là qui était à la tête des hypocrites. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Son rôle principal, c'est quoi? C'est de semer le trouble dans les rangs, diviser les rangs, mettre le doute chez les croyants et les croyantes, monter les gens contre qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Faire al-fitna, répandre al-fitna, les troubles. C'est ça son but principal, et le but principal en général, de façon générale, de qui? Des hypocrites. C'est le but principal des hypocrites. D'accord? Et qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est celui qui montre de façon extérieure son appartenance à l'islam, alors que de façon intérieure il est contre l'islam. Et comment dire le contraire? Ou plutôt, comment dire le contraire de ce que je viens de dire? C'est-à-dire que leur but principal, c'est de diviser la communauté, de répandre le trouble, alors que eux, ils sont avec toi. Extérieurement, ils sont musulmans, mais à l'intérieur, ils sont contre l'islam. Donc pourquoi ils le font? Simplement pourquoi? Vouloir du mal à la communauté. Vouloir du mal à la communauté. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ainsi que certains hypocrites avec lui, ils ont commencé à répandre encore une fois, alors qu'ils l'avaient fait déjà, on avait vu avec Al-Yahoud, avec les juifs, d'accord? Avec les juifs à Médine, pour qu'ils se rebellent contre le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti monter la tête aux croyants et aux croyantes, pour qu'ils quoi? Pour qu'ils se divisent, pour qu'ils se disputent, et au final, pour qu'ils se rebellent contre le prophète alayhi salatu wassalam. Pour qu'ils se rebellent contre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce qu'il a fait exactement? Donc, ici, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, quand le prophète alayhi salatu wassalam est parti à l'encontre des Bani al-Mustaliq, certains hypocrites étaient là. Et après la victoire, les hypocrites manifestèrent au grand jour leur hostilité cachée à cause de la haine et la jalousie excessive. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Après la bataille, ils étaient toujours présents. Mais on sait que l'hypocrite, c'est une personne extrêmement jalouse. Extrêmement jalouse. L'hypocrite a beaucoup de jalousie. Et c'est cette jalousie qui le pousse souvent à quoi? À tomber dans l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le fait de quoi? Ne pas reconnaître la vérité et mépriser les gens. Et c'est ce que, ou c'est les critères qu'a l'hypocrite. Il n'accepte pas la vérité et il méprise les gens. Et ces hypocrites-là, ils étaient pris de jalousie à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons gagnaient une bataille. Et on sait très bien que le jaloux arrivait à un certain stade, et pourquoi je dis jalousie? Parce que c'est Allah qui le dit dans le Coran al-Karim concernant ici leur comportement. On va le voir dans les détails. Mais le jaloux, en général, quand tu le laisses mijoter, quand tu ne prêtes pas attention à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il explose, on va dire. D'accord? Ou il se consume, c'est mieux. D'accord? Comme dit le poète, اصبر على كيد الحسود. Patiente quant à la ruse du jaloux. فإن صبرك قاتله. Car ta patience va le tuer. Car ta patience va le tuer. Et ensuite, regardez l'exemple qu'il dit. Il dit, فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا. Là, le feu ou les flammes se mangent l'une envers l'autre ou se consument, d'accord ? Quand ils ne trouvent plus rien à brûler. D'accord ? Le feu se consume quand ils ne trouvent plus rien à brûler. Ça, c'est quoi ? Le feu. Les flammes, quand ils ne trouvent plus rien à brûler, qu'est-ce qu'ils font ? Le feu se consume. Eh bien, il donne comme métaphore ce que je viens de citer. Il fait ressembler le jaloux aux flammes, au feu. Pourquoi ? Car le jaloux, quand il ne sait plus yani, comment extérioriser cette jalousie, parce qu'il sait que ça n'a plus d'effet néfaste sur toi, il te jalouse, mais toi tu ne prêtes pas attention. Et même tu réponds mal par le bien avec lui. À un moment ou à un autre, il va se consumer. Il va se consumer. Certains se consument en silence, et d'autres se consument, mais avant de se consumer, ils explosent. D'accord ? Ils font des petites explosions avant de se consumer. Ça, c'est connu. D'accord ? Parce qu'ils n'arrivent plus à tenir. C'est une cocotte minute. Il ne peut pas tenir. Et il te voit patienter, il te voit patienter. À la fin, il explose. Mais dans tous les cas, soyez sûr que ici, an-natija, le résultat du jaloux, c'est quoi ? C'est qu'il va se consumer. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas pu patienter. Ils ont commencé à montrer extérieurement et ouvertement leur hostilité envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils commençaient à monter les croyants les uns envers les autres pour les pousser même à quoi ? À se rebeller contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et les hypocrites, donc, ils ont manifesté au grand jour leur hostilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim concernant ces hypocrites, si un bien t'atteint, cela les afflige. Si un bien t'atteint, cela les afflige. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et celui qui a ce comportement-là, qui sache qu'il a le comportement de l'hypocrite, ou qu'il a un des comportements de l'hypocrite, quand il voit son frère qui est touché par un bien, il s'afflige. Et quand il voit son frère touché par un mal, il est heureux. Et combien sont-ils parmi notre communauté qui est la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Et qui pourtant ne sont pas hypocrites, wal'iyadu billah, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous préserver de cet égarement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si un bien t'atteint, cela les afflige, et si un malheur t'atteint, ils disent, heureusement que nous n'avons pas pris d'avance nos précautions. Ils se détournent, et ils sont contents. Voilà, il parle de qui ? Des hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'eux aussi dans le Coran al-Karim. Et regardez comment Allah Azza wa Jal parle d'eux, et il dit, s'ils étaient sortis avec vous, c'est-à-dire les hypocrites, s'ils sont présents avec vous, et on verra plus dans les détails leur comportement décrit par Allah subhanahu wa ta'ala quand on va parler plus loin de la bataille de Al-Ahzab, les coalisés, et il y a toute une sourate qui est intitulée dans le Coran Al-Karim, sourate Al-Ahzab, la sourate des coalisés. Et vous verrez bien le comportement, wal'iyadu billah, des hypocrites, et les nombreux profits qu'on va prendre, incha'Allah ta'ala, de cette bataille. Allah Azza wa Jal dit, s'ils étaient sortis avec vous, c'est-à-dire les hypocrites, ils auraient fait qu'accroître votre embarras et susciter le trouble dans les rangs, cherchant à créer le désordre entre vous. Donc la preuve, ya Abdallah, cherche pas à avoir des centaines et des millions de personnes avec toi dans les rangs. Ce qui nous importe, on le dit, on le répète, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et pourquoi pas, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique, au jour de la résurrection, il y a des gens qui vont se présenter devant son Seigneur ou devant leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, ce ne sont pas n'importe qui. Des prophètes, certains avec quoi ? Avec une personne qui les aura suivis, certains prophètes sans personne. Certains prophètes sans personne, personne ne les aura suivis. La preuve que, ici, ce n'est pas le nombre qui prouve que tu es sur le droit chemin. Mais c'est la qualité de ta sincérité, Abdallah. Et comme il dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, car nous, on espère être parmi les gens qui suivent Ahlul Sunnati wal-Jama'a, d'accord, ce minhaj-là, le minhaj de Ahlul Sunnati wal-Jama'a, les gens de la Sunna et de al-Jama'a, le groupe, le consensus. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il dit al-Jama'a, c'est d'être sur la vérité, même si tu es même si tu es seul. Regardez les savants. Ibn Qayyim il disait ça, le jama'a. Le groupe, c'est d'être sur la vérité, même si tu es seul. Parce que ce n'est pas la quantité qui nous importe, mais c'est la qualité, Abdallah. Et donc, ici, Allah Azzawajal rappelle au prophète, alayhi salatu wasalam, si certains hypocrites, ou si les hypocrites sont avec toi, peut-être que ton nombre va s'accroître. Donc la preuve, ce n'est pas le nombre qui nous importe, c'est la qualité. Mais au contraire, ils vont faire plus de mal que de bien. C'est pour ça que, regarde la qualité. La qualité des gens qui sont avec toi. Car peut-être tu vas être avec du monde, mais il y a des gens avec des maladies qui sont dans ce groupe-là. Comme on dit, à titre d'exemple, par exemple, hein, il y a une mauvaise pomme, ou une pomme, akramakumullah, pourrie, qui est dans un bac avec le reste des pommes, qui peut pourrir tout le reste des pommes. C'est vrai ou pas ? Il va avoir un mauvais fruit qui va pourrir tous les autres fruits, alors que les fruits, les autres sont bons. Ils sont, mashallah, ils sont consommables, il n'y a pas de problème. Mais un mauvais fruit peut pourrir tout le reste des fruits. Pareil, peut-être tu vas avoir du monde, mais il y a des gens qui ont des maladies. Et avec leur maladie, ils ne vont pas se contenter de garder leur maladie en eux ou d'extérioriser leur maladie tout simplement avec une personne ou deux personnes, mais ils vont essayer de répandre leur maladie sur tout le groupe. Et ça, c'est connu en général. C'est pour ça que, ya Abdallah, quand tu vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas se guérir, je dis bien qu'ils ne veulent pas se guérir, et comment tu reconnais une personne qui ne veut pas se guérir ? Écoutez bien ça et gravez ça dans vos têtes. Quelqu'un qui ne veut pas se guérir, c'est une personne qui n'accepte pas al-haq, les conseils. Ça, c'est une personne qui ne veut pas se guérir. Une personne qui n'accepte pas les conseils, c'est une personne qui n'accepte pas la guérison. Il ne veut pas se guérir. Et si une personne ne veut pas se guérir, éloigne-toi de lui. Je ne dis pas éloigne-toi de lui, ne lui passe plus le salam, ignore-le, insulte-le, médis-le, touche à son nom, abadan. Éloigne-toi de lui, ici, ça veut dire que ne compte pas sur lui pour pouvoir faire quelque chose de concret pour être bénéfique pour la religion. Compte pas sur lui, laisse-le de côté, il a des maladies. Tu vas le prendre avec toi, dans tes rangs, il va apporter plus de mal que de bien. Allah Azza wa Jalla parle des hypocrites et il rappelle au prophète alayhi salatu wassalam quel aurait été le résultat s'ils étaient avec toi en train de combattre. Et il dit, s'ils étaient sortis avec vous, ils auraient fait qu'accroître votre embarras et susciter le trouble dans les rangs, cherchant à créer le désordre entre vous. Et pareil dans Surat Al-Ahzab, vous verrez bien dans les détails. Donc ici, quand tu vois des gens qui ont des maladies et qui n'acceptent pas de se guérir, cherche pas à les avoir dans tes rangs, proches de toi, pour pouvoir faire quelque chose de concret pour l'avancée de la religion. Et après cette victoire, arrivé au puits de Al-Muraysi'a, les hypocrites, ils étaient toujours là, hein, et ils manifestèrent de l'hostilité envers le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Pourquoi ? Dû ou suite à leur jalousie, leur haine augmenta de plus en plus. Car on sait que le jaloux, plus il est jaloux, et plus il a de la haine, et plus il a de la haine, plus il fait n'importe quoi. Ça, il ne sait plus qu'est-ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on dit, ce sont souvent des gens qui sont aveugles de la vue. De la vue et du cœur. Ou que de la vue, ou que du cœur. C'est des gens aveugles du cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce n'est pas la vue qui s'aveugle. Hein ? Walakin, c'est quoi ? Al-qulub, allati fi s-sudur. C'est les cœurs qui sont dans les poitrines. C'est les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Ils sont aveugles, leur cœur est aveugle. Donc ils font qu'erreur sur erreur. Wal-iyadu billah. Arrivé à Al-Mu'aysir, donc ils provoquèrent les troubles entre les croyants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc au retour, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ces personnes-là, ces hypocrites-là, ils ont dit, ils se sont mis d'accord pour provoquer, et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, pour provoquer al-fitan, les troubles, la division entre les croyants. Et ils ont pris les deux gros groupes principaux. Il y avait al-muhajirin et al-ansar. Al-muhajirin et al-ansar. Écoutez bien ici, et suivez bien. Al-muhajirin et al-ansar. Et regardez ce que dit dans le long hadith Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa arda. Et retenez bien ce récit-là. Retenez bien ce récit-là. Ne me dis pas Cheikh a dit ou un tel a dit. Moi je te dis le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa arda raconte. Nous étions en expédition pendant la bataille de Bani al-Mustaliq. Et un homme des muhajirin, écoutez bien, retenez cette histoire. Un homme des muhajirin frappa avec son pied le derrière d'un homme des Ansar. Un homme des Muhajirin s'est disputé. avec un homme des Ansar et il frappa le derrière de cet homme-là, qui était un homme des Ansar. Qu'est-ce qu'il a fait le Ansar? Il a commencé à faire quoi? Je vous avais déjà raconté ce récit, hein, plusieurs fois. Il a appelé qui? Il a dit, oh les Ansar! Oh les Ansar! Cette appellation Ansar, elle est citée où? Et Al-Muhajirin, elle est citée où? Dans le Coran Al-Karim. Et dans la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah les appelait les Ansar, donc les résidents de Médine, et Allah Azza wa Jal, alaykum salam, les a appelés Al-Muhajirin, ceux qui ont fait l'exil de Mecca à Médine. Donc c'est cité dans le Coran Al-Karim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les appelait Al-Muhajirin et Al-Ansar. Mais, avec cela, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu ce comportement que je vais vous citer maintenant, regardez comment il a réagi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Ansar? Il a dit, oh les Ansar, il les a appelés comme ça, oh les Ansar. Et, Al-Muhajir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh les Muhajirin, oh les Muhajirin. Regardez, il a appelé, chacun a appelé son groupe, avec des appellations qui sont citées dans le Coran Al-Karim, et dans la sunna authentique du prophète, alayhi afdalu salati wa aska salam. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il est sorti, quand il a entendu cela, et il dit, que signifie cela? Le prophète, alayhi salatu wa salam, il est sorti, il s'est énervé. Il a dit, que signifie cela? Des pratiques de la jahiliya. Regardez qu'est-ce qu'il dit le prophète. Est-ce cela des pratiques de la jahiliya? C'est-à-dire, vous n'avez pas honte, ou comme si le prophète leur dit, vous n'avez pas honte d'avoir ce comportement de la jahiliya, du paganisme. Quel comportement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a appelé sa tribu par un nom qui est cité dans le Coran Al-Karim et dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ces noms-là ont montré quoi? Qu'est-ce qu'ils ont montré? La division. Oh les Muhajirin, oh les Ansar. Alors que tout le travail, et retenez bien ça, et ne me dites pas Cheikh Antel a dit, tout le travail qui a été fait par le prophète alayhi salatu wassalam quand il est arrivé à Médine, et le travail principal qu'a fait le prophète, c'était quoi? C'était l'union. C'était de quoi? De réunir les cœurs. De qui? Al-Muhajirin wal-Ansar. C'était ça le but principal. Jusqu'à ce que ils ont atteint un degré étonnant. Donc ils se partageaient tout jusqu'à ce que certains héritaient de son frère. Jusqu'à ce que certains proposaient sa propre femme quand il avait plusieurs femmes. Jusqu'à ce que certains ont partagé tous leurs biens alors qu'ils avaient des biens et des biens. Regardez l'amour, comment il était fort. Mais arrivé ou à un point, ou plutôt à point, au moment où ces noms ont été utilisés, ces appellations ont été utilisées pour diviser entre eux, le prophète alayhi salatu wassalam est sorti, s'est énervé et il a dit, est-ce que cela, ou plutôt il dit avec une traduction approximative, que signifie cela? Des pratiques de l'jahiliya. Il compare ces pratiques-là aux pratiques du paganisme et le prophète alayhi salatu wassalam leur a interdit de réagir une fois de plus de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'il dit? N'usez plus ou n'utilisez plus de telles paroles. Interdiction. N'utilisez plus de telles paroles car ce sont des paroles répugnantes. Regardez, le prophète alayhi salam dit car ce sont des paroles répugnantes. Alors qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a interdit? Il a interdit le fait de s'appeler ou de les appeler al-muhajirin et al-ansar. Il y a du mal ou pas? Il n'y a pas de mal. Nous, est-ce qu'on peut les appeler Al-Muhajirin ou Al-Ansar? Il n'y a pas de mal. Est-ce qu'il y a des savants qui ont dit, bon, c'est mieux de ne pas les appeler Al-Muhajirin ou Al-Ansar? Personne. Est-ce que Allah Azza wa Jalla a interdit de les appeler comme ça? Abadan. Mais quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit cette appellation ou ces appellations? Quand? À partir du moment où ces appellations ont servi à quoi? À la division. Ont servi à la division. Et ça, c'est un argument fort pour répondre à ceux qui persistent à se nommer salafi, ou à ordonner aux gens plutôt de se nommer salafi, et toute personne qui se nomme pas salafi, pour eux, c'est des gens qui sont voués en enfer, ou qui font partie des sectes égarées. On dit que nous sommes sur le minhaj salafi, et tu es obligé de suivre la voie des salafs. Et on est salafi, à partir du moment où tu suis le minhaj de salaf ou salih, Al-Qur'an wa sunna bi fahmi salafi l'umma, tu es un salafi, bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, tu es sur la voie des salafs. Il n'y a pas de mal à le dire. Si tu veux te faire différencier des autres tribus, ou plutôt afin des autres sectes, il y a des sectes autour de toi, et on te dit de quel minhaj tu es. Tu dis je suis du minhaj salafi. Il n'y a pas de mal. Tu suis les salafs. Car on est obligé de suivre les salafs, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans de nombreux hadiths, et parmi ces hadiths, le hadith rapporté par Muslim, khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Les meilleurs des gens, ce sont ceux qui sont à mon époque, à Sahaba, ensuite ceux qui vont les suivre, ou la génération qui va les suivre, ensuite la troisième génération. Bien sûr, c'est eux qui ont mieux compris la religion que n'importe qui. Tu dis je suis salafi, quand il y a nécessité de le dire. Mais de là à ordonner aux gens de dire appelle-toi salafi, ou dire tu es obligé de dire je suis salafi à longueur de journée, alors que ce mot-là au jour d'aujourd'hui, parce qu'il a été mal compris et mal utilisé, je parle du sens, par beaucoup de jeunes qui ont appris la science que par internet, malheureusement, avec leur cher Google, comme a dit un cher mashallah, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont sali l'image de la salafia, et quand tu dis à quelqu'un je suis salafi, il prend la fuite. C'est pas étonnant. Maintenant, il y a des gens, tu dis salafi, ah non, c'est les extrémistes, vous êtes trop durs, vous pensez que vous avez votre ticket pour le paradis, les autres sont en... Quand tu vois que ici, ça rend les gens réticents, délaisse cette appellation, ouvertement, bien sûr tu es salafi, bien sûr tu suis le minhaj, lakin garde ça pour toi, et applique le sens, et délaisse le nom, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Certains vont dire, oui mais non, mais ça c'est des paroles qui ont mal été comprises. Subhanallah, on dirait on n'a pas les mêmes oreilles. On dirait qu'on n'a pas les mêmes oreilles que certains. Subhanallah, Cheikh Al-Uthaymin, il l'a dit. Et je vous mets au défi, et ceux qui écoutent, de me trouver une mise en garde de Cheikh Al-Uthaymin, allez, deux, dans tout son site, alors qu'il y a des centaines et des millions de doros. Cheikh Al-Uthaymin, je vous mets en défi de me trouver une parole de Cheikh Al-Uthaymin qui parle avec sévérité en mettant en garde, en citant le nom d'une personne. Allez-y. Maintenant, tu vois des jeunes de cité jour et nuit, ils t'en déballent 300 à la minute. Subhanallah. Et il ose te dire après, Cheikh Al-Uthaymin a dit, oui, quand il a parlé de jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil, le fait de faire ce qu'on appelle la critique et l'éloge, ça existe, mais à la base, retenez ça, c'est une science qui rentre dans Mustalah al-Hadith, la science des hadiths, c'était pour critiquer les gens qui rapportaient les hadiths, il n'y avait pas droit à l'erreur, quand il y avait des doutes sur un rapporteur, il oubliait, et ben on utilisait cette règle qui est jarh wa ta'dil. Et ici la critique prévaut sur l'éloge, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, et les savants du hadith n'ont pas droit à l'erreur quand ils rapportent des hadiths. Et parmi les savants qui sont le plus connus et le plus stricts quant à la chaîne des transmissions et quant à la science du hadith, c'est l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, avant de critiquer alors qu'il était en droit une personne qui avait tendance à oublier ou être un menteur, il utilisait de belles paroles. Il utilisait de belles paroles, il détournait, mais il faisait comprendre, c'était un menteur. Il faisait comprendre, celui-là, il a tendance à oublier, à délaisser, à ne pas prendre sa parole, tendance à oublier. Lakin maintenant, au jour d'aujourd'hui, Abdallah, pour utiliser cette règle-là, bien sûr, elle s'applique. Elle s'applique sur certains. Bien sûr qu'on l'utilise, c'est les savants déjà qui ont la science pour l'utiliser, qui l'utilisent. Mais l'utiliser à tort et à travers. Dès que quelqu'un fait une petite erreur, on met en garde, on lui met une étiquette sur le front, et tout ce qu'il a fait comme bien dans sa vie, qu'il fait comme bien dans sa vie, et ben ça y est, utilise-le comme un paillasson, il ne sert plus à rien parce qu'il s'est trompé une fois. Subhanallah, même s'il s'est trompé une fois, deux fois, s'il a plus de bien que de mal, et il est connu pour être un savant, ou un shaykh, ou une personne de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, comme il dit Cheikh Fawzan Hafidhahullah Ta'ala, à ce moment-là, tu prends de lui, et tu délaisses ses erreurs, tout simplement. Et si quelqu'un a les capacités de le conseiller avec douceur et avec hikmah, qu'il aille le faire. Mais il ne faut pas que cette erreur qu'il a fait soit une source de dissension entre vous. Ou même si tu n'es pas d'accord avec lui, khalas, tu n'es pas d'accord sur un point, il a ses preuves, tu as tes preuves, mais à côté vous restez des frères en Allah. Et c'est comme ça qu'on crée quoi? La concordance et l'union entre les croyants. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et ne vous disputez pas, sinon vous allez perdre vos forces et vous allez fléchir et patienter. Allah est avec les patients. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran al-Karim. Donc nous disons, al-minhaj, al-salafi, on le suit. Se dire salafi, oui, mais le crier sur les toits et le dire jour et nuit je suis salafi, etc. et mettre en garde contre ceux qui ne s'appellent pas salafi, on dit tu es un égaré. Surtout au jour d'aujourd'hui où ce nom, pas le sens, ce nom mal utilisé par certains jeunes égarés, a créé de la dissension dans les rangs des musulmans et a fait peur à beaucoup de personnes qui sont égarées. Donc pour gagner leur cœur, délaisse ce nom. Et dis je suis un musulman, ala minhaj al-salaf, et je suis al-kitab wa sunna, bi fahmi salaf al-umma, et je suis insha'Allah ta'ala, du minhaj de De quoi? De Al-Sunnati wal-Jama'a. Et applique. Et applique maintenant. C'est pas que avec la bouche. Applique maintenant. Parce que comme il dit Cheikh Fawzan et d'autres savants, si tu commences à le répéter jour et nuit, en te vantant, ça rentre dans tazkiyatun nafs. Tu vois, moi je suis un salafi, hein, lui c'est un égaré, moi je... Ça, qui va te dire le contraire? Qui va te dire que ce n'est pas de la vantardise? La personne, jour et nuit, il le crie, moi je suis salafi, lui c'est un égaré, celui-là c'était notre tendance. Il parle comme ça avec arrogance, avec prétention. Alors quand tu lui dis, à quelle heure tu as fait le fajr aujourd'hui? Ah, mais la ghalab. Combien de fois tu as fait qiyam al-layl dans le mois, comme je le répète? Ah, mais la ghalab. Qu'est-ce que tu fais de bien dans ta vie? Je parle pas de l'obligatoire, du surérogatoire. Bah, il bégaye. Subhanallah. Il y a ici un minimum de compréhension à avoir sur ce terme, as-salafi, et j'espère que les frères l'ont compris de façon brève, inshallah ta'ala. Donc, ici, le prophète alayhi salatu wasalam a réagi comme je vous l'ai détaillé. Alors, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a dit à propos de ce conflit, ont-ils répondu à cet appel, les muhajirines? Est-ce qu'ils ont répondu? Regardez. Il est venu, il a dit, attends, ils ont répondu au moins les muhajirines. Ils ne se sont pas laissés faire. Et regardez comment a réagi Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il dit, par Allah, si nous retournons à Médine, le plus puissant fera sortir le plus faible. C'est-à-dire, lui fera sortir le prophète alayhi salatu wasalam. Ça, il l'a dit, il l'a montré ouvertement. Ici, son dégoût qu'il a envers Abdullah ibn Ubay, envers le prophète alayhi salatu wasalam. Et le fait qu'il voulait sortir le prophète alayhi salatu wasalam de Médine. Omar radiallahu anhu arda, quand il a entendu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul dire ça, c'est-à-dire le plus fort fera sortir le plus faible de Médine, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rasulallah, laisse-moi lui couper sa tête. Laisse-moi, je lui coupe sa tête, maintenant. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wasalam? Pourquoi il a dit non? Il a dit, est-ce que tu veux que les gens disent, Mohammed tue ses propres compagnons? Regardez le prophète, comment il voyait loin. C'est pas le moment. Et c'est ça le hikmah. Wad'u shay, ala al-wajhi alladhi yanbaghi, wa fi al-waqti alladhi yanbaghi. C'est de faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment où il faut. D'accord? Et toujours garder son sang-froid. Le prophète alayhi sallam gardait toujours son sang-froid. Et celui, écoutez bien, qui arrive à faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut, écoutez bien, en gardant son sang-froid. En restant calme. Celui-là, al-hikmah. Je rajoute, en restant calme, en gardant son sang-froid. Celui-là a ce qu'on appelle al-hikmah. Et celui, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, celui à qui il a été donné al-hikmah, il lui a été certes donné un énorme bien. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire ce qu'il faut un peu, au moment où il faut, etc. Mais ils n'arrivent pas à rester serein, calme. Comme je disais la dernière fois, certaines personnes, ils n'arrivent pas à sauter quand tu les taquines un peu. D'accord? Ou quand tu les blesses un peu. Ou quand tu les conseilles en étant un peu dur. C'est pour l'éduquer. D'accord? Et c'est pour ça que quelquefois, quelqu'un qui a de l'expérience, si vous êtes avec un chir qui a de l'expérience ou autre, et qui est, vous êtes proche de lui, vous allez voir, il va vous taquiner, il va vous tester, il va jusqu'à vous pousser à bout. Jusqu'à vous pousser à bout, simplement ici pour voir jusqu'où il peut aller lui dans sa da'wah. Jusqu'où lui il peut aller dans sa da'wah. Comment il va se mettre à réagir lors des épreuves? Est-ce qu'il va réussir à patienter ou pas? Comme je disais la dernière fois dans le cours précédent, est-ce que vous pensez qu'une personne qu'on taquine juste un peu, il perd son sang-froid, il s'énerve, il change de couleur et son visage devient ici, subhanallah, sombre, est-ce que vous croyez qu'il va patienter quand on va peut-être accuser sa femme de fornicatrice ou lui de fornicateur ou de menteur ou d'égaré ou je ne sais quoi encore, comme on a accusé la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam? Jamais. Donc ici il y a une éducation à se faire, une auto-éducation. Il faut bien sûr un soutien, c'est-à-dire un cheikh ou une référence ou une personne ou des savants, mais c'est sûr que quand une personne est proche de toi c'est plus facile, qui t'aide. Lakin, il y a un travail personnel à avoir. Il y a un travail personnel à avoir. Même si tu suis des cours avec le plus grand des savants, est-ce que c'est parce que tu t'es assis à 3000 doros de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala ou de Cheikh Ibn Baz, ou même les personnes qui ont suivi des doros et des doros avec Ibn Qayyim Al-Jawziya rahimahullah ta'ala, est-ce que c'est parce qu'ils ont suivi des doros avec lui ou avec eux qui sont automatiquement de grands savants? Abadan, car chacun doit fournir un travail personnel. On n'a rien sans rien. C'est pas parce que tu es assis avec je ne sais qui ça et tu vas devenir un... Chacun doit faire un travail personnel. Celui qui ne fait pas de travail personnel, il a beau apprendre la religion avec je ne sais qui comme savant, bien qu'il soit le plus grand des savants, il n'avancera pas dans la religion. Ça c'est clair, et il faut le mettre, ça, et le graver dans sa tête. C'est clair. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, a a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voyait loin et il s'est dit, c'est pas le moment. Les gens vont dire, regardez, celui-là il prétend être prophète, il tue ses propres compagnons. Et Abdullah ibn Ubay disait, souvenez-vous, regardez comment il taquinait, il provoquait plutôt ici al-Muhajirin wal-Ansar. Et il disait, souvenez-vous, au début, ils étaient peu. On a tout partagé avec eux. Donc, afwan, hein, donc il parle aux Ansar. Donc, il parle là maintenant des Muhajirin, contre les Muhajirin. Il dit, on a tout partagé avec eux. Maintenant, ils sont devenus plus nombreux que nous. Maintenant, ça y est, alhamdoulilah, ils sont enrichis. Ils ont... Alors qu'au début, on a tout partagé avec eux, ils n'avaient rien. Donc, regardez, pourquoi? Pour mettre la rage, la haine, à qui? Aux Ansar contre les Muhajirin. Vous allez vous laisser faire, vous? Alors, regarde. Et ça, c'est des comportements, l'aïyadu billah, que quelquefois on retrouve. D'accord? On retrouve même dans la communauté, l'aïyadu billah. Qu'Allah Azzawajal nous préserve cet égarement. Des gens qui montent les uns envers les autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle quoi? An-namima, la calomnie. C'est ce qu'on appelle, là, la calomnie, l'aïyadu billah. Et ce récit est rapporté par l'imam al-Bukhari wa muslim fi sahihain. Et de même rapporté par al-Bukhari wa muslim, Zayd ibn al-Arqam radiyallahu anhu wa arda dit, je suis sorti avec le prophète alayhi salatu wa salam, Zayd ibn Al-Arqam. Je suis sorti avec le prophète alayhi salatu wasalam lors de cette expédition, l'expédition de Bani al-Mustaliq. Et il dit quoi? Et j'ai entendu Abdullah ibn Ubay dire aux personnes qui l'accompagnaient, ne dépensez pas de votre argent auprès du prophète alayhi salatu wasalam jusqu'à ce qu'il se disperse. Regardez, il les poussait à être avares et de ne pas dépenser de l'argent pour le prophète alayhi salatu wasalam ainsi que pour as-sahaba radiyallahu anhu warda. Et si nous retournons à Médine, le plus puissant fera sortir le plus faible. Rapporté par le Bukhari au Muslim. Et c'est qui le rapporte? Zayd ibn al-Arqam. Il rapporte ces propos-là. Alors Zayd dit, j'ai raconté ça à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Donc les paroles de qui? Les paroles de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Quand quoi il poussait les gens à quoi? À ne pas dépenser pour le prophète alayhi salatu wasalam. Il a raconté ça à Omar. Omar est parti raconter ça au prophète. Le prophète a convoqué qui? Il a convoqué, regardez le prophète, il n'a pas dit celui-là. Il est connu pour être un hypocrite. Toi, Zayd, alhamdoulilah, compagnon, mashallah, Zayd ibn al-Arqam, pas de mauvaise réputation, donc je prends ta parole. Maintenant, voilà. Regardez ce qu'il dit le prophète, al-Adl, l'équité. Il dit, convoquez-moi Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Convoquez-moi Zayd ibn al-Arqam, radiyallahu anhu. Pour faire quoi? Confrontation. Et c'est pour ça qu'il y a le proverbe que je dis souvent, quand quelqu'un vient te voir avec un œil crevé, ne porte pas de jugement tant que tu n'as pas écouté l'autre personne, parce que peut-être l'autre personne a quoi? Les deux yeux crevés. Même si tu vois quelqu'un qui pleure devant toi et qui se lamente, et comme le prophète alayhi sallam a dit, certaines personnes ont quoi? As-sihr. Ils ont une certaine éloquence, magie dans leurs paroles. Et comme le prophète alayhi sallam dit dans un hadith sahih, il y a certaines personnes d'entre vous qui vont venir m'exposer leurs problèmes. Au kamaqala alayhi sallatu wassalam, et il dit, certains auront plus d'éloquence que d'autres. Certains auront plus d'éloquence que d'autres. Et ça c'est une preuve, ce hadith, que le prophète ne connaît pas le monde invisible, al-ghaib. Il dit, si la personne utilise son éloquence, donc il montre dans ce hadith le prophète alayhi sallam que si la personne utilise son éloquence pour tromper le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il est en tort, il ne fait que s'enfoncer plus en enfer. Le prophète alayhi salam, il montre dans ce hadith-là que quoi? Qu'il ne peut rien. Il peut être, influencé par une personne qui expose mieux le problème que l'autre. Par exemple, la personne, l'autre, elle ne sait pas comment expliquer le problème, elle est timide alors qu'elle est dans le haq. L'autre, il est dans le batil, mais tellement qu'il parle bien avec de l'éloquence, il arrive à convaincre le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam, il ne connaît pas le ghaïb. Donc il rappelle que quoi? Si la personne a utilisé son éloquence pour tromper, pour me tromper, il ne fait que s'enfoncer plus en enfer. D'accord? Donc ici le prophète alayhi sallam, on en revient ici à l'équité du prophète, il a convoqué les deux personnes. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, cet hypocrite-là, il a juré. Il a dit, Wallahi, que ce n'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça. Il a juré par Allah. Et le prophète alayhi sallam, comme vous savez, il a dit dans un hadith authentique, et ça c'est une règle en islam, al-bayyinatu ala al-mudda'i. D'accord? Et le prophète dit, celui qui prétend, c'est à lui d'apporter sa preuve. D'accord? Et il dit, wal yamin ala man ankar. Et le juron, le fait de prêter serment, c'est pour celui qui refuse ce que la personne a dit. D'accord? Qui est contre ce que la personne a dit. Donc Zayd ibn al-Arqam, il a quoi comme preuve? C'est sa parole. Donc la personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jurer. Comme quoi ce n'est pas vrai. Il jure que ce n'est pas vrai, tu dois le croire. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a cru Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il l'a cru. Parce qu'il a juré par Allah. Regardez l'équité du prophète, alayhi salam. Amma le reste, après, c'est lui qui assume sa responsabilité auprès de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, s'il a menti. Mais toi, ce qui t'incombe, c'est de le croire s'il a juré. Donc il a juré. Zayd ibn al-Arqam a eu très mal. Parce qu'il a été démenti. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda, ou son oncle, avant, il est parti voir le Zayd ibn al-Arqam, et il lui a dit, est-ce que tu n'as pas honte, ou il a réprimandé sur le fait, yani, qu'il a démenti, ou plutôt qu'il a dit des choses mensongères sur Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu cherchais par là? Qu'est-ce que tu cherchais à faire? Et Zayd ibn al-Arqam, il a eu très mal. Mais ici, il ne pouvait rien dire, car il n'avait pas de preuves concrètes. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran al-Karim le verset coranique ou la sourate de quoi? Les hypocrites. Et Allah azza wa jalla dit, quand les hypocrites viennent à toi, ce sont les premiers versets de sourate al-Munafiqin, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Regardez les hypocrites. Ici, Vahiran, de façon apparente, ils montrent ici leur appartenance à l'islam. Allah dit, Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient, c'est parce qu'en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés de sorte qu'ils ne comprennent rien et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Leur corps t'émerveille et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs. Et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, c'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux, que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais. Car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent, écoutez bien, ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah et alayhi salatu wassalam. Donc ça prouve que quoi? Zayd, il avait raison quand il disait, ils sont en train de quoi? De pousser les gens à ne pas dépenser pour le prophète alayhi salatu wassalam. La parole d'Allah azza wa jalla, Allah il dit quoi dans le Coran al-Karim? Il dit, ce sont eux qui disent ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah afin qu'ils se dispersent et c'est Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Et jusqu'à la fin des versets coraniques, et je vous renvoie à la prière, ou plutôt à Afwan, à la sourate al-Munafiqin. Donc, al-Munafiqun, donc les hypocrites. Et le prophète alayhi salatu wassalam appela Zayd et lui dit, Allah a démenti leurs propos et montré ta véracité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a scandalisé Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Car le jaloux et celui qui cherche à tromper les musulmans sera scandalisé ici-bas avant le delà. Celui qui cherche à diviser, à faire le fitna et même à toucher à l'honneur des croyants et des croyantes sera scandalisé ici-bas et dans le delà. Comme on va le voir avec les événements qui se sont produits pendant la cinquième année de l'Hégire, pendant le mois de Sha'ban, premier événement et principal qui nous enseigne cela, et le deuxième événement qui porte sur la calomnie de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Allah azza wa jalla l'a scandalisé directement dans Al-Qur'an Al-Karim. Et de là, donc tout le monde a su clairement que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul était un hypocrite. Ça y est, scandalisé. D'accord? Au grand jour. Et ici, son propre fils, Abdullah ibn Abdillah ibn Saloul. Abdullah, il s'appelait aussi, son propre fils. Il a proposé au prophète alayhi salatu wassalam de faire quoi? C'est connu ça. De tuer son propre père. Ici, Abdullah, il a dit à Rasulullah, laisse-moi le tuer. Son propre père. Il lui a dit, laisse-moi le tuer. Parce qu'il a vu que c'était une personne néfaste pour la communauté qui a provoqué le prophète alayhi salatu wassalam, qui a voulu tuer le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un hypocrite. Abdullah, son fils, il lui a dit, laisse-moi le tuer, c'est mon père, laisse-moi le tuer. Regardez le degré qu'ils avaient, sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, et c'est pour ça que les savants disent à l'unanimité que les meilleurs des gens, après les prophètes et les envoyés, ce sont les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tue-le. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, sois bon avec ton père. Et soit d'une bonne compagnie avec lui ici-bas. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit à Abdullah concernant le fait que Abdullah veut tuer son père. Le prophète lui dit, non seulement tu ne le tues pas, mais sois bon avec lui. Et sois une bonne compagnie ici-bas avec lui. Ou pour lui. Et ça, c'est un message à ceux qui disent à ceux qui disent avec une mauvaise compréhension, je ne veux plus parler à mon père, ou je ne veux plus parler à ma mère. Même ils apportent quelquefois des preuves, ils disent oui, parce qu'il est contre moi, parce que je porte la barbe, ou je mets le qamis, ou je vais à la mosquée tout le temps. Il n'est pas musulman, ya akhil karim. Même s'il n'est pas musulman, ton père, même si ta mère n'est pas musulmane, même s'ils sont contre la religion, est-ce qu'ils sont pires que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui a été cité dans le Coran al-Karim? Et avec cela, le prophète a.s.w. a dit, sois bon avec ton père et sois une bonne compagnie pour ton père. Regardez ici l'enseignement prophétique, et on voit au jour d'aujourd'hui des jeunes qui s'emportent. Ils sont poussés de zèle parce qu'ils ont appris quelques hadiths, ils ont vu c'est quoi la sunna, jusqu'à ce qu'on entende certains qui sont durs avec leurs parents dès que leurs parents font quelques innovations. Et tu les vois, ils les critiquent avec dureté et ils commencent à les dénoncer, à les condamner et à parler de façon sévère et sec avec eux. Ça fait partie des plus grands péchés en islam. Uquq al-walidayn, l'ingratitude envers les parents, ça fait partie des plus grands péchés en islam. Les plus grands et les plus graves péchés en islam. Et l'ingratitude envers tes parents, certains salafs, ils disaient, je n'ose même pas mettre ma main dans le plat avant que ma mère mette la main dans le plat, par crainte de tomber dans l'ingratitude. Alaykoum salam. Regardez ce qu'ils disaient. Je ne veux même pas mettre ma main, commencer à manger avant que ma mère commence à manger, de peur de tomber dans l'ingratitude. Certains salafs, ils n'aimaient même pas marcher devant leur père. Il disait, j'ai peur que ça soit de l'ingratitude envers mon père. Marcher devant eux. Un signe de quoi? De manque de respect. Parce qu'ils savaient c'était quoi le respect. Maintenant, nous, au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas c'est quoi le respect envers nos parents. Comment veux-tu avoir du respect envers les gens de science? Comment veux-tu avoir du respect envers tes frères? Comment veux-tu avoir du respect envers ton épouse? Comment veux-tu avoir du respect envers tes enfants? Il n'y a plus de respect au jour d'aujourd'hui. On a délaissé l'ihtiram, l'adab, le respect, la politesse, on a tout délaissé ça. Et ça, c'est un manque d'éducation et on doit se rééduquer. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et voilà l'enseignement prophétique. Alayhi afdalu salati wa aska salam. Et lorsque Abdullah ibn Ubay a voulu entrer à Médine, son fils lui a interdit d'entrer. Il ne voulait pas. Il a dit, tu ne rentres pas à Médine. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam lui donne l'autorisation. Al-idn min rasulillahi alayhi afdalu salati wa aska salam. L'autorisation, la permission du prophète que son propre père, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, rentre à Médine et il disait à son père, comme ça, tu sauras. C'est qui le faible et c'est qui le fort. Regardez, il rentrait avec son père, yani, où il parlait avec son père, avec ses paroles qui sont certes un peu secs, c'est vrai ou pas? Alors que le prophète alayhi salam lui a dit, sois une bonne compagnie pour ton père et sois bon envers lui. Ça ne veut pas dire que d'être bon avec une personne, c'est automatiquement, ici, renier, ou plutôt fermer les yeux sur la vérité. Abadan, tu peux être bon avec ton frère, mais quand la vérité doit être dite clairement, et doit être clarifiée, tu la clarifies. S'il n'accepte pas être plus sévère, ça, tu peux le faire dans certains cas. Mais à côté, alhamdulillah, c'est ton frère en Allah, et al-mahabba doit rester, le bon comportement doit rester, la bonne entente doit rester, lakin, quand on doit établir la vérité, et si la personne ne l'accepte pas, dans certains cas, il faut être sévère, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait lui-même. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a eu l'interdiction par son fils d'entrer à Médine jusqu'à ce que le prophète lui a donné l'autorisation. Et le prophète avait dit à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ou plutôt à Abdullah, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, comporte-toi avec bonté envers ton père. Il l'a appliqué, il a obéi au prophète, mais avec ça, il répète à son père. Maintenant, c'est qui le fort et c'est qui le faible? Pour lui montrer la vérité. Donc, le fait de montrer la vérité à ton frère quand il n'accepte pas al-haq et monter un peu, être un peu plus sévère parce qu'il n'accepte pas la vérité, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon avec lui. Bien au contraire, ça c'est parce que tu lui veux du bien. Ça c'est parce que tu lui veux du bien. Et il y a certaines personnes, il faut avoir une certaine sévérité envers eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut les frapper, il faut les exiler, il faut les critiquer, il faut médire sur eux, il faut toucher leur honneur. Abadan, lakin, ça veut dire que quelquefois, il faut être plus strict avec des personnes qui n'acceptent pas al-haq, et ça c'est les signes de l'orgueilleux, bataru al-haq wa ramtu an-nas, et qu'ils sont des causes de répandre, ou plutôt des personnes qui répandent al-fitan, les troubles, la dissension, la division dans la communauté. Là, il faut un peu de sévérité, et Abdullah, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, a dit à son propre père, maintenant, c'est qui le faible et c'est qui le fort, parce que c'était lui qui disait, le fort fera sortir le faible, c'est-à-dire lui fera sortir le prophète. Et donc là, il dit à son père, et il lui montre à son père que c'est toi le faible et le fort, c'est le prophète Muhammad alayhi afdalu salati wa aska salam. Et dans la même année, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam a reçu la guerre. Une guerre qui, certains savants appellent Harbul Isha'at, c'est-à-dire la guerre des rumeurs. La guerre des rumeurs, c'est quoi? Ils ont attaqué le prophète alayhi salatu wa salam physiquement. Ils ont torturé les compagnons. Ils ont opprimé les compagnons. Ils ont opprimé le prophète alayhi salatu wa salam. Ils ont saisi leurs biens. Ils ont séquestré les compagnons. Ils les ont chassés de Mecca. Ils les ont attaqués. Rien à faire. Ils ont patienté. Ils ont patienté. Ils ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il y a eu des défaites, mais il y a eu des victoires. Et le résultat était que la religion continue à se propager par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On utilise la nouvelle guerre, la guerre des rumeurs. Qil wa qal, les on dit. Et à leur tête, il y avait encore qui? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Cet hypocrite-là qui a été la cause principale de quoi? De la mauvaise rumeur. Et contre Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, qui était non seulement l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, mais aussi la fille de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda, le meilleur des compagnons. Et regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a patienté comme personne n'a patienté, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, l'exemple à suivre, le modèle à suivre, a été touché en plein dans sa famille. En plein dans sa famille, son épouse, elle a été accusée, vous connaissez tous le récit rapporté par le Bukhari, le récit de la calomnie, ils ont traité Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, de fornicatrice. De fornicatrice. Est-ce que vous croyez que ça n'a pas fait mal au prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'on l'accuse à tort et à travers, avec mensonge, et on touche à son honneur, et à l'honneur de sa famille? Et wallahi al-adil, que si tu es un da'i, un prédicateur, et tu suis le Coran et la Sunna, et tu es sincère, wallahi bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, on touchera à ton honneur. Et bien plus que cela, sûrement on touchera à l'honneur de ta famille. On touchera à l'honneur de ta famille. Et tout ceci ne sont que des tests. Et plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, et plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les applications religieuses et avec sincérité, et plus tu seras éprouvé. Les personnes les plus éprouvées, ce sont les meilleures des créatures, c'est-à-dire les prophètes et les envoyés. Et plus tu es éprouvé, et plus ceci prouve que tu es une personne qui est dans la voie de bien et vers la vérité, ou dans la voie de la vérité. Et si toi tu es un prédicateur, attends-toi, si tu es un prédicateur sincère, et tu appelles à Allah Azza wa Jal comme il se doit, avec sagesse, et avec al-maw'idati al-hasana, avec la bonne exhortation, attends-toi à qu'on touche à ton honneur et à l'honneur de ta famille. Retourne et reviens à la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Regarde comment le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a réagi avec sang-froid, avec douceur, avec calme, avec sérénité, quand on a touché à son honneur et à l'honneur de sa famille. Et c'est pour ça qu'on se doit d'étudier la biographie, pour pouvoir patienter face aux épreuves. Le prophète alayhi salatu wassalam a patienté, ça lui a fait très mal. Aïcha a patienté, ça lui a fait très mal. Et le récit est très long, rapporté par l'imam al-Bukhari. On n'a pas le temps de l'expliquer aujourd'hui ou dans cette soirée-là. Là, qu'il le prochain cours, inshallah ta'ala, je vous décrirai ou alors expliquerai ce récit-là, ou plutôt on laissera Aïcha radiallahu anha wardaha raconter ce récit, car il est très long, et Aïcha le raconte dans Sahih al-Bukhari. On expliquera toutes les étapes de ce récit, inshallah ta'ala, et on prendra aussi surtout les morales de ce récit très important. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.